Gwynplaine demeura seul. Tout à coup, il eut un bruit de pas. Un homme entra. Il reconnut cet homme, et cet homme le reconnut. « Gwynplaine, Tom Jim Jack !»« L'ami Gwynplaine, je suis contre-amiral. Et moi, je suis père d'Angleterre. Je m'appelle Lord David Dirormoy, et moi je m'appelle Lord Clancharlie. » Et une voix dit, « Vous êtes les deux maris, mes seigneurs. » Tous deux se retournèrent. « Barkilphedro !» s'écria Lord David. C'était Barkilphedro, en effet. Ce gentilhomme s'avança, fit trois révérences à Gwynplaine et lui dit, « Milord, je suis Lucie de la Verge Noire. Je viens chercher votre seigneurie conformément aux ordres de sa majesté. » Le soir de ce même jour, Gwynplaine était dans un lieu extraordinaire. Il avait été amené de Windsor dans les voitures de la reine avec l'escorte due à un père.